À l'écoute de Réunion Première, il est midi. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Trois adeptes de Papa Sané à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre cet après-midi. Elles seront jugées pour la manifestation qu'elles avaient organisée sans autorisation devant la gendarmerie de Saint-Louis en octobre l'année dernière. Les trois jeunes femmes doivent répondre de troubles à l'ordre public. Retour sur ces événements avec Pierre Comorassami. Il conteste la vente par la mairie de Saint-Paul à la région de l'ex-future médiathèque. Les membres du collectif Simandef étaient au tribunal administratif ce matin. Leurs arguments n'ont semble-t-il pas fait mouche auprès du rapporteur public, mais ils veulent garder espoir, nous l'entendrons. Dans ce journal également, nous parlerons du port maritime et de ses résultats très satisfaisants pour le maire du port et président du conseil de surveillance, Olivier Warraud. Et à la fin de cette édition, reportage sur le bureau de poste de Bois-de-Neuf, la Saint-Denis, qui s'apprête à fermer ses portes. La Poste qui lance en même temps un appel à candidature pour qu'une boutique du quartier reprenne une partie de ses activités. Bienvenue sur Réunion Première. Il est interdit de séjour à La Réunion depuis sa condamnation le mois dernier, mais l'ombre de Papa Sané planera cet après-midi au-dessus du palais de justice de Saint-Pierre. Plusieurs adeptes du gourou de Saint-Louis, trois, sont convoqués à la barre du tribunal correctionnel pour s'expliquer sur des troubles à l'ordre public. Les 17 et 18 octobre 2015, les trois prévenus avaient manifesté devant la brigade de gendarmerie de Saint-Louis, une manifestation sur la voie publique donc, qui n'avait pas été déclarée en préfecture et qui visait à protester contre la mise en examen et l'incarcération du gourou et de son épouse. Rappel des faits avec Pierre Comorassami. Le 14 octobre 2015, Papa Sané et sa femme sont mis en examen et ne peuvent plus séjourner à Saint-Louis. Trois jours plus tard, le samedi 17, en début de soirée, un groupe d'adeptes décide d'aller manifester devant la gendarmerie de Saint-Louis. Elles demandent bruyamment le retour de leur gourou. Ce rassemblement, qui crée un trouble à l'ordre public, est alors interdit par le préfet dès le lendemain. Mais les femmes refusent de partir. Leur manifestation étant alors illégale, trois jeunes femmes, considérées comme les meneuses de la bande, sont arrêtées et placées en garde à vue, puis poursuivies. Cet après-midi, au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, elles devront donc répondre des délits d'organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique, participation à un attroupement après sommation de se disperser et trouble à la tranquillité d'autrui par agression sonore. Rappelons que Papa Sané et sa femme ont déjà été jugés et condamnés. Frappé d'une interdiction de séjour de 3 ans à La Réunion, le gourou de Saint-Louis a même été expulsé vers le Sénégal, son pays d'origine, le 3 août dernier, à la veille de son procès en appel. Pierre Comorassami, qui suivra ce procès cet après-midi pour Réunion Première, on en reparle dans nos prochaines éditions. Sur le plan juridique, aucun des arguments du collectif Simandef n'a trouvé grâce aux yeux du rapporteur public. Ce collectif était ce matin devant le tribunal administratif de Saint-Denis pour tenter de faire annuler les délibérations municipales de Saint-Paul qui ont abouti à la vente des bâtiments de l'ex-future médiathèque à la région Réunion pour la somme de 18 millions d'euros. La décision du tribunal a été mise en délibéré. On aura le résultat dans un mois exactement et on sait que le rapporteur public est presque toujours suivi. Monique est une simple citoyenne de Saint-Paul. Comme elle dit, elle fait partie de la quinzaine de personnes qui ont fait le déplacement ce matin et elle n'a pas été très surprise des conclusions du rapporteur public, mais elle garde un petit espoir. On l'écoute. Oui, parce qu'on s'y attendait, on connaît ce que la mairie et la région vont dire par rapport à ça. Mais nous, on n'est pas sur un plan législatif, on est sur un plan humain. Il y a un jeune militant associatif, un bénévole, qui m'a dit que quand il était petit, il suivait sa maman qui nettoyait une médiathèque. Et qu'à force d'ouvrir des livres, il a ouvert son esprit et il a décidé de faire des études. L'ouverture de cet immense outil pédagogique pourra changer des destinées et sauver des vies. Si on n'ouvre pas cette médiathèque, vraiment, moi, il fait mal mon cœur. Des propos recueillis au micro Réunion Première de Bruce Régent. Dans l'actualité judiciaire également, on l'a appris hier, une des sœurs de Fabien et Jean-Michel Klein a été interpellée mardi soir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Elle a été arrêtée en compagnie de son mari et de leurs 4 enfants. La famille arrivait de Turquie après avoir séjourné en Syrie. Anne Klein, son mari et son fils aîné, âgé de 16 ans, ont été placés en garde à vue dans les locaux de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Selon les services de renseignement français, les djihadistes toulousains d'origine réunionnaise, Fabien et Jean-Michel Klein, seraient toujours à Raqqa au sein de l'état-major de l'organisation islamique. Le port maritime va bien et même très bien. C'est le bilan des résultats communiqués ce matin par le président du directoire et le président du conseil de surveillance à la gare maritime du Port-Est. Un bilan annuel qui montre que la dynamique de développement se confirme. Le port maritime, par lequel transite aujourd'hui 99% des marchandises importées dans l'île, enregistre un record de tonnage équivalent à celui enregistré en 2008, avec une activité conteneur en hausse. Pour Olivier Waraud, maire du port et président du conseil de surveillance du port maritime, le bilan est plus que positif. Notre port est toujours attractif et très compétitif. En quelques chiffres, c'est une augmentation x3 du transbordement, c'est une augmentation de plus 18% de l'importation de marchandises conteneurisées. C'est un port qui s'organise aussi pour les autres activités maritimes que celles de l'importation-exportation. C'est un port qui s'investit dans l'accueil des croisiéristes demain, qui organise pour un meilleur accueil, pour une meilleure arrivée des touristes qui sont les ambassadeurs de la Réunion demain. Olivier Waraud, le maire du port et président du conseil de surveillance du port maritime, était au micro Réunion Première de Delphine Poudroux. Midi 6 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Retour à la normale dans les usines sucrières après 3 jours de blocage au Gol et 2 à Bois-Rouge. Les planteurs ont levé le camp hier soir après avoir obtenu satisfaction à l'issue d'une réunion interministérielle qui s'est tenue à Paris dans la soirée. Les adhérents de la CGPER, la Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de la Réunion, réclamaient, je vous le rappelle, le versement de plusieurs aides publiques qui leur étaient dues pour certaines depuis l'an dernier. Les négociations ont donc finalement abouti à la promesse du paiement de plusieurs millions d'euros. Les précisions d'Olivier de la Richaudie. Sur les 4 revendications de la CGPER, 3 avaient déjà obtenu une réponse favorable mardi. Hier soir, le gouvernement a fini par céder sur les mesures agro-environnementales et climatiques, une subvention qui encourage les exploitants à renoncer aux pesticides, en privilégiant notamment l'épaillage de la canne. Au titre de ces MAEC, le ministère de l'Agriculture a accepté de verser 1,7 million d'euros aux planteurs, soit 90% de l'enveloppe 2015, ainsi qu'un acompte sur les subventions de cette année. À ce paiement s'ajoute celui de l'indemnité compensatoire de handicap naturel, celui des aides à la replantation et celui des aides à la production, soit un total de 17 millions d'euros qui devraient être versés dans la première quinzaine du mois prochain. Pour Jean-Yves Minacci, ces 3 jours de paralysie de la filière ont donc payé, mais le président de la CGPER est loin de déposer les armes. C'était l'alerte numéro 1, tient-il à préciser, en pointant du doigt les délais d'instruction des dossiers de subvention. Et de conclure, la DAF doit prendre en compte nos spécificités et créer un guichet unique. Olivier de la Richaudie, toujours dans l'actualité, les histoires de carrières. Alors que l'enquête publique sur l'exploitation des carrières de Saint-André touche à sa fin, celle sur le projet de bois blanc se poursuit. Elle a débuté le 5 septembre dernier. Et Thierry Robert, le maire de Saint-Leu, apporte de nouveaux arguments contre cette carrière de bois blanc. Selon lui, il suffit qu'un seul projet de carrière se concrétise sur l'île pour que les autres deviennent inutiles en matière d'apport de roches pour la construction de la nouvelle route du littoral. Alors pourquoi mener plusieurs projets? D'après le député maire de Saint-Leu, il y a derrière tout cela une histoire de gros sous et de groupes du BTP qui se font la guerre pour rafler tout le marché. On écoute Thierry Robert. Il y a d'un côté la société NGE qui veut s'implanter à La Réunion et qui détient les carrières, les deux carrières de Saint-André, et de l'autre la SCPR qui est une filiale de Colas qui eux-mêmes ont le marché de la nouvelle route du littoral, et Colas veut absolument pas donner un bon de commande à NGE, qui est son concurrent, mais veut donner un bon de commande à la SCPR pour que tout reste concentré dans le groupe Colas et en quelque sorte exclure NGE. Il suffit qu'aujourd'hui Colas signe un bon de commande à NGE pour qu'il n'y ait plus de problème de galets. Donc il faut arrêter de dire que Thierry Robert empêche de faire la carrière de bois blanc, parce qu'en clair, la carrière de bois blanc n'est plus utile. Thierry Robert au micro de Pierre Komorasamy. Elle ne soutiendra aucun des 7 candidats retenus pour la primaire de la droite et du centre. Béatrice Sigismond annonce qu'elle restera neutre pendant la campagne officielle, neutralité que lui impose son nouveau rôle de secrétaire départemental du Parti Les Républicains. C'est l'argument qu'elle a avancé ce matin sur Réunion Première, car Béatrice Sigismond prend le relais de Michel Fontaine en tant qu'organisatrice du scrutin des 20 et 27 novembre prochains. Le président départemental, lui, Michel Fontaine, a déclaré qu'il soutenait Nicolas Sarkozy. Alors, au sujet des Gaulois invoqués par l'ancien chef de l'État comme ancêtre de tous les Français, est-ce que Béatrice Sigismond partage cette vision de l'histoire ? Écoutez sa réponse. Il y a l'histoire de France et il y a aussi l'histoire de chaque citoyen. À La Réunion, on a chacun notre métissage, notre origine. Il y a des apports venant de l'Inde, de l'Afrique. Bref, on voit que nos ancêtres ne sont pas gaulois. Mais nos ancêtres ne sont pas gaulois, mais on est fiers d'être sur un territoire français, on est fiers d'être français et on se doit aussi d'aimer notre patrie et d'aimer l'histoire de notre patrie. De l'assimiler et de pas de l'intégrer. À La Réunion, on est tous fiers d'être français, mais on est fiers aussi d'être réunionnais et d'avoir notre identité. La secrétaire départementale du Parti Les Républicains, Béatrice Sigismond, était l'invitée de Philippe Dornier ce matin dans la matinale de Réunion Première. Un entretien que vous pouvez réécouter dans son intégralité tout à l'heure à 13h30 sur notre antenne. Les fermetures exceptionnelles sont devenues si fréquentes que la fermeture définitive sera peut-être un soulagement pour les habitants du quartier. À Bois-de-Neuf-le-Saint-Denis, le bureau de poste sera bientôt cacheté comme une lettre. Comme beaucoup d'établissements de campagne dans l'Hexagone, il coûte trop cher à la poste qui va donc proposer une alternative. Les opérations de courrier les plus courantes devraient bientôt être confiées à un commerçant du coin. Reportage Bruce Régent. Il y avait 3000 habitants il y a 25 ans et la poste était ouverte tous les jours. Et aujourd'hui, on est 7000 habitants et la poste ferme. Ludovic Sautron a toujours habité le quartier de Bois-de-Neuf et s'étonne du projet de la direction de la poste. Et se désengage des hauts, de l'île, ils veulent se centrer que sur les banques. Quelque part, ils abandonnent les gens les plus modestes. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir, rétorque le directeur régional de la poste. La fréquentation était en chute. Il fallait trouver un moyen de maintenir le service courrier. En le confiant à un commerçant du quartier, les habitants seront par exemple gagnants en plage horaire, selon Gilbert Calassibetta. Oui, il y aura une enseigne, un point de merchandising, il y aura toutes les offres en termes de courrier dans un bureau et on pourra faire les mêmes opérations. Principalement dépôt ou retrait de colis et de recommandés. Une source de revenus supplémentaires pour le commerçant choisi entre 500 et 1000 euros. À bien y penser, Ludovic et sa récente coopérative solidaire ne seraient pas contre. Oui, parce qu'en fait, ça nous ramènerait aussi des clients. Les gens viennent toujours parler, chercher des thèmes. C'est un lien de proximité. Mais à part le distributeur automatique, les activités bancaires disparaîtront. Un moyen radical de supprimer les files d'attente chaque début de mois ? Pas du tout. La fréquentation dans les jours de prestation va vous étonner. Elle est en diminution de 4%. Bien sûr, on a une population fragile et vulnérable à servir. Mais cette population-là utilise aussi des moyens de paiement modernes. Ok, semblent donc répondre les habitants du quartier, plutôt favorables à l'idée. Mais à condition alors que le gabier soit régulièrement alimenté. Reportage signé. Bruce Régent. Une information sportive avant de refermer cette édition. On connaît maintenant l'affiche des demi-finales de la Coupe régionale de France. Le tirage au sort a eu lieu hier. Ces matchs qui seront disputés les 8 et 9 octobre prochains opposeront la Jeunesse Saint-Pierroise à l'AS Grand-Bois. Ce sera donc un derby du Sud. Et l'AS Excelsior à l'AS Sainte-Suzanne. Il est midi et 12 minutes. Le temps de l'heure pour aller faire un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Après la fausse alerte attentat samedi dernier à Paris, Les deux principaux suspects sont mis en examen. Ce sont deux adolescents âgés de 16 et 14 ans. La justice leur reproche d'avoir fait croire à une fausse prise d'otage dans une église, ce qui a déclenché une opération antiterroriste. Tous les deux sont placés en foyer éducatif. Un trafic de cocaïne démantelé à Marseille. 10 personnes ont été arrêtées ces derniers jours. Parmi les trafiquants, il y a un professeur, un instit, qui se transformait en dealer à la sortie des classes. On est très loin du retour au calme à Charlotte, aux États-Unis. Les violences continuent. Nouvelle manifestation cette nuit. 4 policiers et un manifestant ont été blessés. Les habitants s'insurgent contre les policiers accusés d'avoir eu la gâchette facile contre un homme noir. Les militaires sont appelés en renfort et l'état d'urgence est décrété. En France, les buralistes sont en colère contre la Française des Jeux. Elle a conclu un accord avec des fleuristes qui peuvent désormais vendre des bouquets accompagnés de tickets à gratter. Inacceptable pour les buralistes qui voient ça comme un manque à gagner. Ils pourraient donc boycotter la Française des Jeux en faisant la grève de la vente. C'est le chouchou des Français sur le Tour de France. Thomas Voeckler va arrêter sa carrière. Il l'annonce dans les colonnes du journal L'Équipe. Le cycliste est âgé de 37 ans. Il raccrochera après le prochain Tour de France. France Info. Le 12-13 continue sur Réunion Première. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la veille de la fête de la gastronomie, C'est dans l'actu se lance aujourd'hui à la recherche de solutions pour éviter le gaspillage alimentaire. Et il y en a, Antoine, des solutions. La barquette Doggy Bag, le meilleur calibrage des repas ou encore les plateaux repas compartimentés. Vous êtes de plus en plus nombreux à éviter de jeter vos restes quand ils sont encore bons. Et vous êtes évidemment concernés, vous qui nous écoutez à l'heure du déjeuner. Appelez-nous au 02 62 99 2000 pour nous raconter comment vous faites. Pour le moment, des nouvelles du temps. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Cet après-midi, des nuages se forment sur le relief et ils déborderont entre La Possession et Saint-Denis. Et puis en soirée, eh bien, ces nuages se dissiperont graduellement. Le vent de secteur est modéré avec des rafales allant de 50 à 60 km/h dans le sud sauvage jusqu'à Saint-Pierre et l'étang Salé. Et puis dans le nord entre Chamborne et Saint-Denis, les rafales atteignent 40 à 50 km/h. La mer est peu agitée à agiter avec une petite houle d'alizé entre Saint-Joseph et Chamborne et une petite houle de secteur sud. Envie de fraîcheur ? J'avais accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalubang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalubang.re. Première. Midi 17 sur Réunion Première. Quelle solution contre le gaspillage alimentaire ? C'est la question posée ce midi par Philippe Dornier aux invités de C'est dans l'actu. En France, 38 kilos de nourriture consommable sont jetés toutes les secondes. À La Réunion, même dans les communes les plus attentives, un quart des repas à la cantine finissent à la poubelle. Des chiffres qui montrent combien le gaspillage alimentaire reste répandu dans notre société de consommation. Heureusement, les initiatives se multiplient pour éviter ce phénomène si choquant pour les plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens de nourrir correctement leur famille. D'ailleurs, en France, la loi impose désormais des limites dans la destruction de la nourriture invendue et consommable. Une avancée qui permet aux associations de récupérer des fruits, de la viande, des conserves au profit de personnes dans le besoin. Sur notre île, des partenariats ont été scellés ces derniers mois avec des grandes surfaces, mais aussi des commerces ou des restaurants. Quelles sont les denrées les plus faciles à récupérer? La qualité est-elle au rendez-vous? Reste-t-il des obstacles quand on lutte contre le gaspillage alimentaire? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et ce sujet nous concerne tous, alors n'hésitez pas, 02 62 99 2000 pour vos questions, vos remarques sur ce phénomène. Et puis le 06 92 70 2000 pour les textos. Il y a aussi les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu. Et pour Twitter, le hashtag CDLA Première. Nos invités ce midi, Philippe Costi, le président de l'association Jette Plus. Bonjour. Bonjour. Association créée il y a 3 mois. Vous êtes partenaire avec le Club de la Restauration. On accueille aussi son président Renaud Gillard. Bonjour. Bonjour. Et puis Gilbert Babeuf, autre président d'une autre association, l'association Clé, basée dans l'Ouest. Bonjour. Bonjour. Vous bénéficiez, vous, des invendus des boulangeries Paul, tout comme la Croix-Rouge, d'ailleurs. Vous nous expliquerez comment ça fonctionne. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce combat contre le gaspillage alimentaire, Philippe Costi? Tout simplement un constat qu'on a fait en famille, comme tout le monde a dû le faire un soir, en voyant que les enfants à table n'ont pas terminé leur assiette et que lorsque on demande au restaurateur de le reconditionner, il n'est pas toujours enclin à le faire et que ce reste va à la poubelle alors qu'il est encore consommable. Et si on prend cette photo et on l'agrandit à des unités beaucoup plus grandes, on s'aperçoit que c'est par kilo, voire dizaines ou centaines de kilos que la nourriture est jetée. Est-ce qu'on a des chiffres pour La Réunion? Pour La Réunion, on a des chiffres que nous ont communiqués les professionnels, puisque c'est les premiers qu'on a contactés là-dessus, et ça va de 15 à 40% en fonction des contextes, bien sûr. Alors, quand c'est un repas familial à quelques personnes, bien entendu que ça peut se négocier avec le restaurateur. Culturellement, à La Réunion, on est déjà enclin à le faire dans certaines coutumes, dans certaines cultures. Maintenant, quand vous avez un traiteur qui draine 300, 400 couverts, un certain standing relatif à cette soirée, les personnes ne repartent pas en smoking avec leur baquette sous le bras. Donc c'est jeté, parce que les professionnels avouent implicitement qu'ils n'ont pas forcément le temps, les moyens, la réflexion pour arriver à trouver une solution, sont bien conscients de ce constat alarmant, cherchent des solutions, on leur apporte là une réponse. Donc, 15 à 40% de ce qui est préparé et jeté, ça c'est une fourchette, sans mauvais jeu de mots, dans la restauration Renaud Gillard. Dans la restauration Renaud Gillard, c'est quoi la tendance, le pourcentage? Ouais, c'est à peu près, on est à peu près dans ces pourcentages-là. Après, je pense que les 40% sont plus sur un autre secteur, on va dire des traiteurs ou des grands événements. Les 15%, c'est plus sur des restaurants traditionnels. Mais où la réflexion, nous, restaurateurs, on doit avoir, c'est est-ce que nous mettons trop dans l'assiette? Est-ce que les clients, l'abondance aujourd'hui, la surconsommation fait qu'on est obligé inconsciemment de mettre plus dans l'assiette pour que les clients soient contents? Donc aujourd'hui, la réflexion se pose ici. Meilleur prix ou meilleur produit, revenir sur le qualitatif et surtout réduire nos déchets et surtout passer le message. Je pense qu'on est le premier maillon de la chaîne à passer le message, dire ce qui reste dans l'assiette, on peut le reconditionner et vous pouvez le remanger ce soir ou demain sans souci. Mais effectivement, il y a une question de positionnement. Le restaurateur, il a peur de passer pour un radin s'il en met trop peu dans l'assiette. S'il en met trop, on dit c'est du gaspillage. Comment trouver le bon équilibre finalement? Parce que vous ne connaissez pas tous les clients, il y a des gros mangeurs, des petits mangeurs. Tout à fait, mais après je pense que sur... c'est sûr, on va dire la rigueur et le professionnalisme du restaurateur. Je pense pas qu'on va aller dans une révolution où il mettra moins au même prix, mais c'est de se dire que s'il fait un constat que sur du moyen du long terme, il y a beaucoup de déchets, les assiettes reviennent souvent pleines. C'est soit parce que, soit c'est pas bon, mais bon, je pense qu'il a plus de clients à ce stade-là. Et s'il y en a trop, je pense qu'il peut se poser la réflexion et ça fait pas de mal de réfléchir aussi avec ses clients. Gilbert Babeuf, vous, vous êtes avec l'association Clé à la tête de ce combat également depuis longtemps? Bah nous, l'association, depuis 2010, on a monté cette association, puisque comme les collaborateurs, nous aussi on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent sans nourriture, si on peut dire, des moments difficiles, des fins de mois très très difficiles, même que les gens qui ont un travail arrivent difficilement à boucler les fins de mois. Donc de ce pas, on a eu l'habilitation préfectorale pour la livraison des colis alimentaires, la confection des colis alimentaires, et ça fait 3 ans bientôt qu'on a repris la gestion de la maison de l'amitié à Saint-Paul, dans lequel on héberge les 100 domiciles fixes depuis 3 ans. Et juste un chiffre, hein, de janvier à août 2016, on a distribué 2180 repas sur les invendus des magasins qui sont en partenariat avec nous. Donc tous ces repas ont été constitués à partir d'invendus ? Une partie, oui. On peut affirmer une partie, oui, des repas étaient confectionnés avec les invendus, avec la salade, avec les fruits qu'on récupère dans les magasins qui sont partenaires avec nous. Alors, les partenaires, ils sont nombreux, ils sont volontaires. On peut les citer, hein. On a les Lions Club de Saint-Gilles-sous-le-Vent qui nous aident énormément. On a la pâtisserie Paul, que, comme vous avez cité, on a fait un partenariat, ça fait à peu près 15 jours de ça. On a la Casa Pain à Saint-Gilles. On a le Leader Price de l'étang Saint-Paul. Et on a le magasin Leclerc, qui aussi nous aide énormément sur les invendus ou les boîtes de conserve ou de gâteaux secs qui sont abîmés. Donc on peut récupérer et les réinjecter dans les colis alimentaires et une partie à la maison de l'amitié. On entend des noms de grandes surfaces. C'est pas de la pub, évidemment, qu'on fait ici. C'est expliquer le principe de ce fonctionnement de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais est-ce qu'ils sont pas un peu contraints et forcés de participer à cette chaîne-là, cette chaîne positive, évidemment? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Costil? Parce que le Parlement, il a adopté cette loi en février dernier qui contraint les grandes surfaces à donner ce qui est invendu, quoi, une partie. Là, il y a une première chose, je pense, qu'il faut relever, c'est qu'on est tous, que ce soit professionnels, consommateurs, partenaires, quelle que soit notre position, on est tous responsables de ce gâchis alimentaire. Quel que soit le degré de l'échelle qu'on occupe, on est tous confrontés à cette responsabilité-là et au même constat. Charge à chacun d'agir ou pas. Les professionnels de la grande distribution n'ont peut-être pas forcément, à l'instar des restaurateurs, les moyens techniques, logistiques, financiers aussi de réagir par rapport à ça. Néanmoins, il ne s'agit pas, comme le disait Renaud Gillard à l'instant, de diminuer la quantité de nourriture produite ou proposée. Il y a peut-être une réflexion, certes, à faire là-dessus, parce qu'on est quand même dans une société de consommation, là j'enfonce une porte ouverte. Néanmoins, on est aussi dans le cadre de la table française. Je parle là plus pour les restaurateurs. Je vois mal un restaurateur commencer à réduire, effectivement, comme vous le disiez, ses rations, au risque de paraître mesquin. Par contre, et là, je voudrais mettre vraiment l'accent sur un point. On parle des gens démunis, il y a aussi toute la nourriture, les animaux que l'on élève, les légumes, les fruits que l'on cultive. Il y a un respect à avoir vis-à-vis de cette nature. Je pense que déjà, sans faire de la spiritualité de comptoir, on a des signes annonciateurs que on vit sur une planète qui n'est pas inépuisable et qui commence à se réveiller et par des différents facteurs, différents phénomènes, nous alerte sur le fait qu'on arrive au fond du puits. Est-ce à quoi qu'il faut vous pas pensez notamment? Bah, tous les cataclysmes, toutes les pollutions, on baigne depuis quelques décennies maintenant dans cette réflexion universelle du respect de l'environnement et de savoir comment on va pouvoir faire. On apporte, certes, chacun à son niveau notre petit grain de sable à cette résolution qui est énorme, hein, qui est une véritable révolution, là, cette fois. On a la chance, je pense, de faire partie de cette époque où cette révolution est possible. Donc là, on doit tous se mettre autour de la table, c'est le cas de le dire, pour essayer avec nos moyens, d'y réfléchir. Il y a quand même un respect à retrouver vis-à-vis de ce que l'on produit, de ce que l'on mange, de ce qu'on offre, de ce que l'on présente. On va pas débattre. Il y a moult sujets. Hein, si vous prenez un abattoir, voilà, on va encore entrer dans une thématique compliquée. Si vous prenez un éleveur de poulets et de voir dans quelles conditions c'est fait, on rentre aussi dans un grand débat. Tous ces problématiques gravitent s'interpénètrent et on doit réfléchir à comment retrouver une attitude saine vis-à-vis de tout ça. Parce que les chiffres nécessitent qu'on s'arrête à ce problème. 1 milliard 300 millions de tonnes de nourriture jetées ou perdues chaque année à l'échelle mondiale, évidemment. Ça correspond à un tiers des aliments produits sur la planète. Est-ce que les restaurateurs sont de bons élèves par rapport à ce phénomène, Renaud Gillard? Disons qu'on est des bons élèves, je ne sais pas, mais on a des bonnes oreilles pour entendre. On a nos mains pour agir et je pense qu'aujourd'hui, on est sur le début d'une réflexion. Je sais que quel que soit le restaurateur de Salazie, Saint-Denis ou Sainte-Rose, est concerné à son échelle et à son environnement. Mais aujourd'hui, comme me l'a bien dit notre président Philippe Cossy, c'est qu'on est dans une démarche de moyen et de long terme. Et je pense qu'on ne verra pas le résultat de notre vivant. Donc aujourd'hui, comme on me l'a déjà bien dit, il faut bien commencer. Donc aujourd'hui, on commence. Il faudra plusieurs générations et on s'en rend compte. Alors c'est évidemment très généreux de la part des restaurateurs qui se mettent dans le mouvement avec l'opération de la fête de la gastronomie ce week-end. Malheureusement, j'allais dire, il n'y a que 3 restaurants qui jouent le jeu. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas davantage d'adhésion autour de ce projet, de cette idée? Je pense qu'après, chaque restaurateur, c'est comme tout commerce, il y a la tête dans le guidon. Aujourd'hui, on a enclenché un message, on a besoin sur du long terme de repasser le message, c'est comme tout répéter. Et aujourd'hui, je pense qu'on va initier le lancement ce week-end avec les 3 participants, mais je pense que l'année prochaine et sur les années qui viennent, on sera beaucoup plus. Alors, c'est quoi les obstacles aujourd'hui à la lutte contre le gaspillage alimentaire, finalement, Gilbert Babeuf? Quelles difficultés vous rencontrez? Nous, c'est sur la récupération. Il y a beaucoup de commerces aujourd'hui de grandes surfaces. Ils veulent pas donner parce qu'il faut dire ce qui est. Il y a eu aussi beaucoup d'abus des autres associations qui ont pris des denrées à d'autres fins. Et nous, notre problème de récupération, c'est les produits frais. Tout ce qui dit réfrigéré. Si une grande surface va nous donner un carton de poulet, il faut qu'on investisse, nous, dans un fourgon réfrigéré. Et je pense que ce véhicule coûte au moins 40 000 euros. Donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sinon, tout ce qui dit produits secs, aujourd'hui, les grandes surfaces jouent le jeu. Hein. Une boîte de conserve qui est abîmée, qui n'est pas vendable sur le rayon, ils donnent aux associations. Là-dessus, il n'y a pas de barrière, si on peut dire. Et vous êtes en train de nous dire que ça coûte quand même quelque chose. C'est pas forcément neutre financièrement de s'engager dans ce créneau-là. Ça coûte les grandes surfaces. Si ils jettent, il faudra bien qu'ils payent pour jeter. Donc obligatoirement. Nous, pour récupérer, on récupère les denrées. On met un moyen quand même du personnel, un véhicule. Il faut des bénévoles pour le tri, puisque tout arrive, il faut retrier pour pouvoir réinjecter dans les colis ou à la maison de l'amitié. Gaspillage alimentaire, quelle solution? C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Alors, qu'est-ce qui est récupérable et qu'est-ce qui ne l'est pas, Philippe Cossy? Je rappelle que vous êtes le président de l'association J'ai plus. Vous faites aussi partie du club de la restauration. Alors, je ne fais pas partie du club de la restauration. Je suis simplement président de J'ai plus. Renaud Gillard est président du club de la restauration et vice-président de J'ai plus. Donc, c'est pour nous c'est un avantage important d'avoir un restaurateur, un professionnel dans le bureau de l'association. Je voulais aussi revenir sur une petite chose. Je parlais de responsabilité tout à l'heure. Il faut bien comprendre que vous aussi, les médias, mais il y a aussi les institutions, tout le monde mange. Enfin, je ne connais pas un être humain sur Terre, à moins qu'il soit dans l'ascétisme le plus complet, qui ne mange pas. Donc, quand je parlais du fait que tout le monde est concerné, c'est bien tout le monde. Et vous, les médias, avez, pour répondre à ce que vous posiez comme question tout à l'heure à Arnaud Gillard par rapport à la participation modeste des restaurateurs dans les premiers mouvements que l'on fait, vous avez aussi votre rôle à jouer. Vous devez relayer le message, les institutions doivent y répondre. Tout le monde mange, donc tout le monde est concerné, donc tout le monde doit mouiller sa chemise dans cette histoire-là. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui est consommable, récupérable? Là, on ne va pas nous intervenir en tant qu'association pour dire, pour le désigner. C'est au restaurateur de le faire, c'est lui le professionnel qui est habilité, qui a le discernement nécessaire pour savoir ce que, à la fin d'un repas, à la fin d'un buffet, ou enfin d'un événementiel, ce qui est récupérable, respectant les règles d'hygiène alimentaire et puis des chaînes de chaud et du froid, c'est son discernement qui va faire ce choix-là. Et bien évident qu'à la fin d'un sorbet en plein été, même à 10h le soir, vous prenez un sorbet dans une barquette, il va pas tenir 5 minutes. Donc là, c'est le restaurateur qui le décide. Mais en tout état de cause, quand on voit des caries, quand on voit des petits fours, quand on voit des samoussas qui partent à la poubelle alors que c'est cuit, même froid, c'est encore facilement consommable. Et puis, il faut pas se leurrer. On mange pas toujours que du frais non plus, même dans ce qu'on achète dans les grandes surfaces. Donc, est-ce que on peut pas réfléchir là-dessus et se dire que il y a un moyen très simple, c'est de le récupérer, de le reconditionner et de le redonner? Alors, je rappelle aux auditeurs qui peuvent intervenir, bien entendu, jusqu'à 12h45, 02 62 99 2000 et 06 92 70 2000. Qu'est-ce qu'on peut remettre encore dans le circuit au niveau alimentation, au niveau des restaurants? C'est ce que vous avez préparé et qui n'est pas servi? Est-ce que c'est aussi ce qui est dans l'assiette et qui n'est pas mangé si ça reste intact? Mais c'est ça, dans l'optique du restaurant, on va dire traditionnel, c'est surtout dans l'assiette ce qui va rester si la personne ou le client n'ont pas consommé, c'est de se dire, mais voilà, le morceau de poulet, du carré de poulet est encore consommable pour ce soir, donc je vous propose de vous mettre en barquette et de vous le reconditionner et de le ramener chez vous. Après, il est bien entendu que moi, à mon niveau en tant que restaurateur, tout ce qui est viande crue, tartare crue, crevettes, poisson, des plats à base de crème, je vais les déconseiller, tout simplement, il ne faut pas être idiot pour se dire que la crème va rester 2 heures dans la voiture ou X chose. C'est plus de risque qu'autre chose. Mais les restes de pizza, les samoussas qui sont du buffet qui entrent, on peut totalement les récupérer et les remanger le soir ou le lendemain sans souci. Après, c'est une question de prise de conscience et de volonté, tout simplement. Discernement. Si la personne qui habite à 10 minutes du restaurant, elle reprend sa barquette de plat en sauce, elle repart avec, c'est pas compliqué. Tout à fait. Vous savez, quand vous sortez de Carrefour avec sorbet ou produit à pérennité limitée, et puis vous discutez avec votre voisine que vous venez de rencontrer pendant 2 heures en placagnard, ce que vous avez dans le coffre, c'est foutu. Hein. C'est pas pour autant que Carrefour va être attenté en procès. Voilà, il y a une logique, il y a un bon sens commun qu'il faut qu'on retrouve. Hein. Le bon sens commun de nos grands-mères, là, il a disparu avec cette société de consommation. On doit le réactualiser, on doit le remettre à jour et puis se rendre compte que finalement c'est pas un gros effort, c'est simplement une prise de conscience de chacun. On est partenaire, je vois l'association Clé qui est complètement complémentaire à ce que l'on fait. Eux œuvrent dans les grandes surfaces dont on avait l'ombrage, bien entendu. On avait dans notre viseur effectivement les cantines scolaires et les grandes surfaces. Bien évidemment, ce sont, on va pas dire les plus gros gaspilleurs, mais qui ont le plus gros volume. De fait, c'est le cas, nourriture, même voilà. Si c'est pas forcément volontaire, évidemment. 4 personnes qui viennent dîner chez Renault vont repartir avec une part de pizza. Un cocktail avec 500 personnes, vous avez 30 à 40 kilos de nourriture jetée. Donc voilà, tout est proportionnel. Mais on est complémentaires et il y a, de fait de cette complémentarité qu'on est en train de constater aujourd'hui, une volonté et un devoir qu'elle s'étende à tout le monde et à tous les intervenants possibles. Alors il y a la difficulté aussi pour les personnes qui vont être destinataires de ces invendus ou autres. Il y a certains tabous encore, il y a certaines réticences, vous me le disiez en préparant l'émission, Gilbert Babeuf. Oui, il y en a, on va dire, plus dans les colis alimentaires, mais au niveau de la maison de l'amitié, c'est des personnes qui ont un repas du lundi au vendredi, qui aujourd'hui ne s'alimentent pas le samedi, dimanche, et voir si le lundi est un lundi férié, ils n'ont pas de repas. Et là, avec les restaurants, si le samedi, il y a des restes qui est consommable le dimanche, nous, on peut faire un partenariat, récupérer les samoussas ou le curry qui restait en marmite et les redistribuer le dimanche à ces personnes. Donc, il n'y a aucun souci. Par contre, lorsque vous vous rendez au domicile des personnes, parce qu'il faut expliquer ça aussi, comment ça se passe, la distribution des colis alimentaires, c'est parfois difficile pour les personnes d'accepter alors, votre aide. Les colis alimentaires, le problème qui se pose à La Réunion, c'est vrai, avec les dons de l'Europe, il y a des produits qui ne sont pas adaptés à la famille réunionnaise. Quand vous donnez une boîte de taboulé à une famille qui habite dans les Hauts-de-Saint-Paul, tout à fait normal, elle va vous dire est-ce qu'on peut échanger vers une boîte de sardines ou une boîte de pilchard, parce que c'est la consommation locale. Donc aujourd'hui, les personnes chargées de ces commandes sont en train de revoir leur copie, d'adapter les commandes de produits d'Europe à la consommation des familles réunionnaises. D'accord. Et vous m'avez raconté une anecdote aussi quand vous allez déposer des colis, certaines personnes qui sont sensibles à ça. Nous, on a livré un colis au plat de Saint-Leu, une famille qui a fait appel à l'association. Et le soir même, on était chez les personnes et arrivé, on avait vu cinq marmailles avec la maman en train de manger un peu de riz avec de l'huile. Donc ça nous a fait froid aux yeux et on a demandé à la dame, il n'y a pas de curry. Il me dit, monsieur Babeuf, regardez, le bac, le riz, c'est vide, il n'y a plus rien. Donc dès le lendemain, notre association s'est engagée à apporter de la nourriture, du riz, du curry, de l'huile à cette famille. Et c'est là que j'ai vu le père le lendemain, j'ai dit, vous n'étiez pas là hier. Et là, le père m'a dit, monsieur Babeuf, vous rendez compte, vous sortez de Saint-Paul, vous venez nourrir mes enfants au plat de Saint-Leu. Et là, il a chialé comme un bébé. C'est dire que la dignité des gens, quand un père de famille ne peut plus nourrir ses enfants parce que bon, il n'arrive pas, il a pas de sous. Donc là, il restait un peu de riz, un peu d'huile. Ça m'a marqué dans ma carrière de président d'association. Il y en a bien d'autres. La question de la dignité, elle est importante, Philippe Gossi, aussi. Comment on peut proposer aux gens, et des gens parfois n'osent pas profiter, entre guillemets, de bénéficier de cette aide. Tout à fait. Je crois que le plus gros problème qu'on ait à soulever, c'est un problème de mentalité. C'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de logistique, c'est pas, même pas, je dirais, un problème financier. Quand vous savez que le PIB de la France peut nourrir une partie de l'Afrique par an, on n'est plus dans cette réflexion-là. C'est un problème de déclic mental. Monsieur Bavet vient de photographier une extrémité. L'autre extrémité, c'est ce que je disais tout à l'heure, la personne en smoking qui fait partie d'une soirée standing, repartir avec sa barquette. Elle le fera pas non plus. Donc on est dans les deux extrêmes, entre cet élastique qui se tend, là, on est sur cet élastique qui se tend, d'un problème uniquement de mentalité, de savoir apprécier, est-ce que c'est digne ou pas, est-ce que ça se fait ou pas. Il faut bien comprendre aussi une chose, sans rallonger trop la sauce. Je vais faire une petite rectification. On n'est plus dans le doggy bag. Il faut s'enlever déjà parce qu'elle n'est pas française, cette expression-là, est anglo-saxonne. Et le doggy bag à l'origine n'était pas spécialement pour redonner aux convives ce qu'il avait mangé, mais plutôt pour son chien. Donc il y a une connotation péjorative que je voudrais éviter. On est plus dans le take-away. Mais si on pouvait tout simplement reprendre la fameuse barquette ou les restes alimentaires. C'est plus français, réunionnais et ça parle beaucoup plus aux gens. C'est français, tout simplement. Voilà, on va pas se compliquer la vie. Il faut rester là-dedans. Vous voyez les États-Unis qui sont précurseurs dans cette résolution-là. Aujourd'hui, vous allez au Texas, vous allez dans un restaurant texan, vous demandez un steak, on va vous servir 1,5 kg de viande. Même si la corpulence d'un Américain moyen est bien supérieure à celle d'un Français ou d'un Réunionnais, il mangera pas son 1,5 kg de viande. Et au bout de 500, 600 grammes, il jette le reste. Et les États-Unis sont en train de se rendre compte qu'il y a une réflexion à faire, parce qu'ils produisent des bovidés à n'en plus pouvoir, et ils en jettent autant. Enfin, pas autant, bien sûr, la moitié est mangée, mais ils en jettent pas mal. Et ils s'interpellent sur le problème. Vous voyez l'absurdité dans laquelle on est. Le précurseur du doggy bag, il se rend compte que finalement, il a pas résolu son problème. On est dans cette société-là, et ça, c'est pas un problème de moyens. Puisque là, on est dans l'inverse de possibilités, du manque de possibilités, on est dans la surproduction. C'est tout simplement un problème de mentalité. Il y a une mentalité à changer, à tout niveau, aux institutions qui doivent prendre des décisions là-dessus, au gouvernement, aux médias qui doivent s'interpeller, aux restaurateurs qui doivent y participer, aux associations comme nous qui doivent se soulever et essayer de, en tant que force de proposition, apporter des ombres de résolution. Tout le monde doit changer, faire un petit déclic, aux consommateurs aussi. Mais c'est pas compliqué après techniquement de le faire. Alors les mentalités, elles vont bouger, vous pensez, Renaud Ginard, avec donc la première action qui est organisée à l'occasion de la fête de la gastronomie. C'est encore bon, c'est le nom de l'opération montée par l'association Jette Plus avec les restaurants partenaires. C'est aussi fait pour faire bouger les économies, les mentalités. Et comment ça fonctionne, tout simplement. Tout simplement, oui, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on commence aujourd'hui, même si la réflexion y est depuis longtemps, mais aujourd'hui on va matérialiser l'action sous une forme où, en fonction, bien sûr, de l'état d'avancement de l'assiette du consommateur, on va dire que s'il a bien mangé ou s'il en reste, et en fonction de ce qui reste dans l'assiette, on va avoir un dialogue et on va avoir une petite discussion ce week-end où il y aura des hôtesses qui ont été gentiment proposées par Miss Earth, donc qui sera avec nous ce week-end sur les trois restaurants. Et après, on leur fournira une barquette avec un sac biodégradable avec nos autocollants de l'association. Mais aujourd'hui, on va dire ce week-end, c'est faire le lien avec la semaine gastronomie où c'est une opération nationale et au niveau régional, l'UMIH, on le relaie. Une petite parenthèse pour la semaine de la gastronomie, c'est mettre en avant nos produits du terroir, la façon de faire et surtout l'émotion qu'on donne au plat pour retranscrire au client. Donc il n'y a rien de mis en avant sauf l'amour du cuisinier vis-à-vis des aliments. Et aujourd'hui, on voulait sceller ces deux opérations. Donc on va lancer ça dès demain, mais je pense que le plus important, ça sera surtout les mois qui viennent. Une autre piste pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui nous est soufflée par un auditeur ou une auditrice, par texto 06 92 70 2000, et cet auditeur ou auditrice nous dit il y a aussi les restes des repas des avions encore emballés qui sont jetés. Qui travaille à ce niveau-là, Monsieur Babeuf? Alors, en préparant l'émission, on avait discuté justement, puisque sur un vol d'une compagnie, j'ai constaté que les hôtesses commencent à retirer les produits qui n'étaient pas consommés par le voyageur, le lait, la confiture et tout. Et ça m'a Et là, je me suis dit, effectivement, il y a une mentalité qui est en train de changer. Parce qu'auparavant, quand on prenait l'avion, on voyait les hôtesses prenaient le plateau carrément et balancer. Et là, en juin, j'étais en métropole, j'ai bien vu les hôtesses commencer déjà à faire un premier tri, les ingrédients pas consommés. Et c'est pas universel. Hein. J'ai vu l'exemple inverse encore, où il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un avion, j'ai interpellé l'hôtesse, qui était quand même chef de cabine, et qui m'a dit, en regardant le bout de ses souliers, bah oui, effectivement, on est obligé de jeter. Mais j'ai dit, mais attendez, ça n'a pas été touché. L'enfant, c'était, là, le voisin de siège, c'était un petit enfant, qui avait ni plus ni moins grignoté après ses gâteaux d'apéritif. Tout le repas était encore sous cellophane, absolument pas touché. C'est parti, corps et bien, dans le sac poubelle. Ouais. Mais bon, qu'importe, on va pas discuter sur l'exemple. Non, mais ceci dit, est-ce que vous pouvez éventuellement prendre contact avec... Ah mais bien sûr, voilà. On est, nous, Jette Plus, force de proposition et d'action. C'est-à-dire qu'on a des constats à faire, on a des idées, bien entendu, c'est pour ça qu'on s'est monté en association, et ensuite on va essayer de tenter de mettre en application les solutions qu'on apporte, si tant est que les partenaires se rassemblent à nous. C'est toujours la même chose, plus on sera nombreux et plus on sera fort et plus on arrivera à nos objectifs. Et Lucie, toujours sur le canal SMS, est choquée évidemment par cette situation. Elle nous dit quels sentiments doivent avoir les millions de personnes sous-alimentées devant ce gaspillage. On vit dans un monde où certains se goinfrent pendant que d'autres crèvent de faim dans l'indifférence. Bon, évidemment, ça existe aussi. Hein, à La Réunion, vous en rencontrez. Bon, évidemment, ça existe aussi. Hein, à La Réunion, vous en rencontrez régulièrement. Il y a des appels, des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. On a des gens qui ont des ruptures sociales et pendant 3 mois, il fait la traversée du désert. Un accident de la vie, comme on dit. Un accident de la vie. Et ces gens-là, par question de dignité, ils ne viennent pas non plus à la maison de l'amitié de peur que X ou un tel les voit venir manger chez nous. C'est-à-dire que pourtant c'est gratuit, mais c'est une question de dignité. Nous, quand on livre les colis alimentaires, les gens nous demandent bien, est-ce que votre fourgon est habillé? Est-ce qu'il y a une... J'ai dit non, notre fourgon est tout blanc. Ou bien il vous dit, ne livrez pas chez moi, arrêtez-vous sur le parking plus bas, on viendra récupérer nos courses. C'est une question de dignité. Là on peut rien faire. Quoi. C'est très mal placé, parce que comment la personne peut-elle être indigne de ne pas avoir les moyens? C'est à la société de se poser la question, pourquoi exactement. On n'a pas les moyens de nourrir des gens qui sont défavorisés, qui ont des accidents de la vie, exactement. Qui ont peut-être touché 40 000 euros par mois il y a 6 mois et qui ne le peuvent plus maintenant. Là, ce n'est pas le problème de la personne, c'est le problème de notre société. Et quand je vous parlais de mentalité, Philippe Dornier, tout à l'heure, c'est ça. Hein. Les mentalités sont à changer aussi au-dessus, pas en bas de l'échelle seulement. Et il faut travailler aussi auprès des enfants, au niveau de la cantine, par exemple. C'est les meilleurs publics. Voilà, pour leur enseigner comment ne pas jeter. Alors, le partenariat qu'on a commencé à sceller avec le comité Miss Earth, c'est justement en partie ça. C'est l'intervention de Miss Earth dans les écoles pour sensibiliser également les enfants, non seulement à ce qu'elle fait dans son environnement de Miss Earth, mais également en partenariat avec nous, Jette Plus. Et quand vous aurez éduqué les enfants, il n'y a pas besoin d'éduquer les adultes, ce sont les adultes de demain. Je dirais pas que nous c'est fini, c'est trop tard, mais enfin bon, on peut essayer de faire quelque chose, mais on peut déjà essayer d'éduquer nos enfants, qui n'a pas lors d'un goûter constaté que goûter entre enfants, que quand vous leur donnez copieusement à manger, croyant leur faire plaisir, bah vous vous rendez compte que plus de la moitié part à la poubelle parce qu'ils ont envie de jouer. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de conscience. Ne serait-ce que je rebondis à ce que je disais tout à l'heure, Renaud Gillard, quand il met l'amour de son métier, de sa passion, de son savoir-faire à préparer un plat, et puis qu'il voit que la moitié part à la poubelle. Quelle frustration il doit retirer, mon Dieu. Alors, il y a eu aussi un autre axe de travail, c'est de redonner une chance, on va dire, aux légumes moches, les fruits moches. On a appelé ça comme ça, cette campagne pour des fruits frais, des produits frais qui étaient abîmés. Est-ce que les restaurateurs peuvent, eux aussi, utiliser ces produits, puisque ils sont transformés, vos clients ne les voient pas la plupart du temps. Est-ce que vous pouvez vous inscrire dans cette démarche? Mais on s'inscrit totalement. Vous savez, quand on va faire notre marché, on ne choisit pas... Enfin, moi, quand je suis au marché, je ne choisis pas absolument le fruit lisse, on va dire. Un bon chouchou, une bonne tête de terre qui a bien poussé, n'est pas lisse, est tord et bien poreuse. Donc, là-dessus, on va dire, le restaurateur n'a pas d'inconvénient. Et après, moi, je pense que c'est plus au grand public, quand il voit un kilo de tomate à 4 euros et quand il voit la même tomate avec une petite tache à 1,50 euro. Oui, il y a un problème, parce que cette marge, c'est du marketing, c'est du commerce, il y a des intermédiaires. Et je pense que de plus en plus, on va revenir directement à l'approvisionnement ou à l'agriculteur directement, ce qu'on fait de plus en plus, nous, restaurateurs. Donc,

Et Philippe Dornier sera de retour avec C'est dans l'actu dès lundi, après le journal de midi, puisque demain on est vendredi et donc ce sera dans les coulisses de... Dans quelques instants, eh bien, ce sera la chronique économique présentée par Sébastien Letard. Mais d'ici là, voici N'a essayé sur Réunion Première, Catherine Plaire pas. Non, Catherine Plaire pas. Non, Catherine Plaire pas. Philippe Lapoter, c'était N'a essayé sur Réunion Première, Catherine Plaire pas. À l'occasion du salon du tourisme Top Reza qui se tient actuellement à Paris, Sébastien Letard est allé à la rencontre des professionnels du tourisme justement. Et aujourd'hui, c'est au marché des croisières qu'il s'intéresse dans la chronique économique. La chronique éco, Sébastien Letard. La plupart des professionnels du tourisme outre-mer le constataient déjà, tous les croisiéristes sont loin de descendre à chaque escale. La course au gigantisme des bateaux, de plus en plus suréquipés, en a fait des lieux de navigation, de restauration, de sommeil, mais aussi de plus en plus de séjour. Pour les compagnies, c'est tout bénef. Plutôt que de voir des milliers de passagers débarquer chaque jour pour dépenser leur budget à terre, elles les gardent à bord. Mais les grands groupes mondiaux de la croisière, et notamment ceux qui accueillent des clientèles américaines, ont franchi une nouvelle étape dans ce développement de croisière hors sol, avec la création d'escales sur mesure sur ce qui ressemble à des mix entre parcs d'attractions et centres commerciaux. Dernier exemple en date avec l'italien MSC Croisière qui va construire d'ici 2 ans une île paradisiaque privatisée aux Bahamas sur ce qui était jusqu'ici un dépôt de ferraille. Le projet a été dévoilé début janvier. Herminio Echena est le directeur général France de la compagnie MSC Croisière. Une compagnie qui regarde résolument à son avenir avec non plus un projet, mais un véritable plan de développement très ambitieux qui va nous permettre d'ici les années 2021-2022 de doubler notre capacité offerte. Coût de l'investissement, $200 millions. Le projet est exceptionnel par son ampleur. 38 hectares, des activités sportives, bien-être, un pavillon réservé au mariage ou un amphithéâtre de 2000 places pour offrir, selon les mots de la compagnie, une continuité de service. Entendez, tout est traité par la même société. La concession est valable pour 100 ans. On n'en connaît évidemment pas les conditions, notamment sur le plan fiscal avec le gouvernement des Bahamas. D'autres compagnies, Disney Cruise Line, Royal Caribbean ou la Carnival, disposaient déjà d'îles ou de morceaux d'îles privatisés mais plus petits. Le marché de la croisière est en plein boom, plus 10% en France en 2015. Une manne dont les compagnies de croisière comptent bien profiter au maximum, quitte à éloigner leurs passagers d'escales plus authentiques à terre. Le journal de France Info, c'est dans 3 minutes. D'ici là, voici Justin Bieber featuring Major Lazer. So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. C'était Major Lazer featuring Justin Bieber, Cold Water. Il est 13h sur Réunion Première. Voici le journal de France Info. Virginie Lebrun pour l'info. Bonjour Virginie. Bonjour. Deux policiers belges interpellés mardi soir à la frontière française au volant d'un camion dans lequel se trouvaient 13 migrants ont été remis en liberté. Reste que leur petit manège irrite au plus haut lieu à Paris. Bernard Cazeneuve évoque une initiative belge en dehors de tout cadre légal. Il a convoqué l'ambassadeur de Bruxelles en France. Nous verrons dans un instant avec Pierre Benazet comment réagit Bruxelles aujourd'hui. À suivre, le procès de la dynastie Wildenstein et son univers impitoyable. Il s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le marchand d'art Guy Wildenstein et des proches sont accusés de fraude fiscale en héritage et de blanchiment d'argent, le tout sur plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis, plus léger, nous irons dans les vignes où les vendanges battent leur plein. Les intempéries ont fortement endommagé une partie du vignoble. Le millésime 2016 s'annonce malgré tout de grande qualité. France Info. Et on commence avec cette histoire qui peut paraître rocambolesque, Virginie, mais qui est prise très au sérieux, place Beauvau. Au point que le ministre de l'Intérieur a convoqué hier l'ambassadeur de Belgique en France. En cause, une initiative belge en dehors de tout cadre légal, selon les termes de Bernard Cazeneuve. Tout est parti d'un coup de téléphone passé par un habitant d'une petite commune située à la frontière franco-belge. Il s'inquiétait de voir deux policiers belges se cacher dans ses champs de maïs. Les deux fonctionnaires ont expliqué à leurs homologues français qu'ils venaient de raconter accompagné en catimini 13 migrants sur le territoire hexagonal. Les policiers flamands affirment avoir agi dans leur bon droit sur ordre.